Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Alors, nous arrivons à la fin du chapitre et nous allons apprendre le verbe mettre. We're getting to the end of the chapter and we're learning our last verb for this chapter so we can put things, wear things, turn things on and so forth. Our model verb for this section is mettre. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez. Ils mettent. So as I said, mettre can be to put on, like clothes, to set the table, to turn on for some kind of electrical appliance, and also to put on or just to place. So here are some examples where you are going to find mettre. Je mets un bikini pour aller à la plage. I put on a bikini to go to the beach. Je mets la télévision le soir. I turn on the TV at night. À la maison, ma mère met la table. At home, my mom sets the table. Now, the great news with mettre is you get two other verbs for the price of one. Permettre, which is to allow, and promettre, which is to promise. So, with that, you can actually permit people to do things or promise people to do things, such as... Je permets à mon chien de manger mes chaussures. I allow my dog to eat my shoes. That's not good. Maybe je permets à mon chien de ne pas manger mes chaussures. I allow my dog not to eat my shoes. That might be better. Je promets à mon professeur de parler français tous les jours. I promise my teacher to speak French every day. Now notice that with these two verbs, the allow someone or promise someone is introduced in French by a. And the to do something, whether it's to allow Dr. Berman to correct your papers, is always introduced by de, or promise your teacher to do your homework. It'll be de as well. So, listen again carefully. Je promets à mon professeur de écouter les podcasts. Or, je permets à ma mère de faire mon lit. I allow my mom to make my bed. Oh, she is so lucky. I hope you make your bed at home. So, with that in mind, let's try a few questions and see if you can answer them with these verbs. Qu'est-ce que tu mets quand tu es en classe? En classe, je mets un jean et un t-shirt. Quand est-ce que tu mets la télévision? Je mets la télévision le soir. Est-ce que tu mets à la table à la maison? Non, je ne mets pas la table à la maison. Qui met la table à la maison? Mon fils met la table à la maison. Est-ce que tu promets à ta mère de faire le ménage? Absolument, je promets à ma mère de faire le ménage. Et est-ce que tu promets à ton professeur d'étudier 5 heures tous les jours? Bien sûr, je promets à mon professeur de français d'étudier 5 heures tous les jours. Well, with that in mind, guys, you're good to go. You can promise, allow, and put things all over. Bonne journée. À demain. Thank you.